Samuel. Quand tu veux. Vous êtes sur Web7 Radio, apprendre ou à débattre, présenté par Adrien Brachet. Bonsoir à tous. Quand les classes favorisées ont fait sécession, c'est le titre d'un rapport réalisé par le politologue Jérôme Fourquet pour la Fondation Jean Jaurès. Un rapport que j'ai pris le temps de décrypter pour vous, chers auditeurs, et en particulier pour nous en tant que jeunes, car il nous aide à mieux comprendre les mécanismes qui sont en train de transformer notre société, même si bien sûr on ne peut pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec l'ensemble de ce rapport. Un processus s'est mis en place depuis une trentaine d'années, creusant un fossé de plus en plus béant entre la partie supérieure de la société et le reste de la population, écrit Jérôme Fourquet. Plus grave que la montée des inégalités sociales, c'est le recul de la mixité sociale et la fin des interactions entre les élites et les autres franges de la société que dénonce ce rapport. Ce processus s'appuie également sur une homogénéisation des pratiques des classes favorisées qui se traduit dans le vote. Le référendum de 2005 en avait été la première bombe. 2017 en a été aussi un révélateur, alors que dans certains quartiers parisiens, Emmanuel Macron atteignait des scores staliniens autour de 90 à 95%. Un constat qui rappelle fortement les travaux de Christophe Guilly et son Crépuscule de la France d'en haut, dans lequel il voyait le retour d'une lutte des classes inconscientes, ou encore ceux de Louis Chauvel autour du déclassement. Le rapport de la Fondation Jean Jaurès identifie plusieurs causes et symptômes de ce climat, la ségrégation spatiale bien sûr, mais aussi la fin du service militaire ou des colonies de vacances qui rassemblaient différents milieux sociaux, ou même du mythe du football comme un sport populaire. En témoigne le tarif de l'abonnement au Parc des Princes en augmentation de 191% entre 2010 et 2013. Ajoutons à ça les partis politiques accueillant en leur sein de moins en moins les classes populaires et l'exil fiscal. Mais surtout, un autre phénomène est pointé par Jérôme Fourquet et c'est peut-être le plus alarmant, la fin de l'école comme réducteur des inégalités et brasseur social. Le rapport montre une éducation à deux vitesses où la part des classes favorisées dans l'enseignement privé a fortement augmenté. En fait, l'enseignement libre recrute de moins en moins sur une base confessionnelle et de plus en plus sur une base sociale. Cet échec de l'école, Barbara Lefebvre le décrit aussi dans son livre « Génération, j'ai le droit » dont nous allons débattre aujourd'hui. Mais ce qu'elle décrit aussi et que révèle également le rapport de la Fondation Jean Jaurès est l'avènement d'une société fortement individualiste. Jérôme Fourquet parle, je cite, du recul dans les milieux favorisés du sentiment d'appartenance à une communauté nationale et de celui de leur responsabilité sociale. Le rapport se conclut par un extrait du livre de l'historien Yuval Noah Harari, Homo Deus, qui prédit une société où le transhumanisme serait réservé à quelques privilégiés qui n'auraient plus aucun intérêt à se soucier du sort du reste de la population. En somme, une société où le premier de cordée pourrait gravir seul la montagne. C'est un constat un peu sombre pour commencer cette émission, chers auditeurs, mais au moins ça nous fait réfléchir. Et je vous propose de saluer mes chroniqueurs qui sont autour de la table ce soir. Bonsoir Robin. Bonsoir Adrien. Bonsoir Samuel. Bonsoir Adrien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va et toi ? Très bien. Qui assure ce soir la régie. Et puis Raphaël, bonsoir Raphaël. Bonsoir Adrien. Raphaël et Samuel qui font un retour depuis la prépa pour nous entourer ce soir. Nous en sommes très contents et Julien nous rejoindra tout à l'heure lorsqu'il sera sorti des méandres ferroviaires, on va dire. Alors, comme je l'ai dit, pour ce 99e numéro de Apprendre ou à débattre, nous recevons Barbara Lefebvre, elle est professeure, et vient de publier Génération, j'ai le droit, aux éditions Albin Michel, dans lequel elle dénonce la faillite de notre éducation. En première partie, nous nous intéresserons à son livre, au constat, encore une fois, plutôt alarmant qu'elle dresse. Puis dans notre grand débat, alors que Jean-Michel Blanquer vient de révéler sa réforme du baccalauréat, nous débattrons des solutions, des réformes à mettre en place pour notre éducation nationale. Et il y aura bien sûr, comme chaque semaine, les tops et les flops. Mais dès maintenant, tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de notre invité. Notre invité. Présentation. Bonjour Barbara Lefebvre. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire-géographie dans le secondaire. Vous avez notamment enseigné en zone d'éducation prioritaire. Ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes une enseignante engagée, d'abord à travers plusieurs responsabilités que vous avez exercées et exercez toujours. Vous avez été chargée de mission au Haut Conseil à l'intégration, co-présidé la commission éducation de la LICRA avant d'en démissionner. Et vous présidez désormais l'association Voir et dire ce que l'on voit, qui vise à dénoncer la judiciarisation du débat d'idées dans notre pays. Mais votre engagement s'exprime également à travers de nombreuses publications, des tribunes dans la presse française, mais surtout des livres. En 2002, vous participez à l'ouvrage collectif « Les territoires perdus de la République » sous la direction de l'historien Georges Bensoussan. Vous y dénoncez la montée de l'antisémitisme chez les jeunes de zones sensibles et l'absence de réaction des pouvoirs publics face à la progression de l'islamisme. Citons également « Élèves sous influence » en 2005, coécrit avec Eve Bonivard, ou plus récemment « Une France soumise, les voix du refus », encore une fois sous la direction de Georges Bensoussan. Mais c'est pour parler de votre dernière en date que nous vous recevons aujourd'hui, publié chez Albin Michel et intitulé « Génération, j'ai le droit ». Vous appuyant sur votre expérience d'enseignante, vous y décrivez une école en faillite qui se délite depuis une trentaine d'années sous l'action de ceux que vous appelez les pédagogistes ou les déconstructeurs, mais aussi et surtout sous l'influence d'une société qui de plus en plus, une société de plus en plus individualiste dont le « j'ai le droit » est devenu la maxime. Notons enfin que c'est en avril dernier que vous êtes fait connaître du grand public lors de votre intervention dans l'émission politique face à Emmanuel Macron autour de la culture française et de ses propos sur la colonisation. Pour commencer, avant d'en venir à votre livre, quel serait selon vous le fil rouge de tout ce parcours qu'on vient de défiler? Une hussarde de la République peut-être? Oui, d'une certaine façon, c'est un terme effectivement qu'on a un petit peu utilisé bien souvent pour décrire ces enseignants de terrain qui justement veulent essayer de rappeler un petit peu leur expérience de terrain pour interroger les crises sociales et culturelles qui traversent le pays. Moi, je crois aussi qu'à un moment donné, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que mon expérience a été jugée suffisamment intéressante pour qu'on me donne la parole. Après, je sais qu'il y a énormément de collègues qui vivent des choses tout aussi révélatrices de nos fractures et qui n'ont pas les moyens d'en témoigner. Il s'avère qu'effectivement, voilà, les territoires perdus de la République ont été une occasion aussi pour nous de dire la gravité d'une situation. On était en 2002. Et la plupart des témoignages que nous recensions dans ce livre étaient des témoignages des années 90. Donc en réalité, la gravité des sécessions culturelles qu'on connaît dans notre pays et des fractures sociales, nous les connaissons et elles ont été analysées depuis cette époque et on voit bien l'absence totale d'action politique d'ampleur. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que moi, au Conseil de l'intégration, j'ai été détachée au HCI pendant 3 ans, mais je n'ai pas souhaité renouveler mon détachement. Parce que justement, je voyais bien la totale impuissance de ces instances administratives soi-disant indépendantes, qui sont extrêmement nombreuses. On en a presque une trentaine encore aujourd'hui autour du gouvernement. Et en réalité, ce sont des institutions qui ne produisent rien d'autre que des rapports qui s'empilent sur les bureaux des ministres, mais qui n'aboutissent à rien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré retourner sur le terrain. Justement, comment vous pouvez expliquer cette profusion des analyses et des signaux d'alarme qui ont été envoyés depuis maintenant 20 ou 30 ans et le fait que personne ne réagisse derrière. Alors, des signaux d'alarme sur quel sujet? Sur les sujets vraiment sociétaux ou sur cette question de l'école? D'abord, on peut peut-être commencer, si Adrien le veut bien, sur la question des résultats. Comment ça se fait que ça, bon, du coup, on met les pieds dans le plat, mais vous le développez dans votre livre. On a un problème de rapport à l'écriture, à la lecture, au niveau de l'arithmétique, avec les bases déjà. Des bases, et puis même globalement, pourquoi tous les problèmes aujourd'hui qu'on constate aujourd'hui au sein de l'éducation nationale n'ont pas été repérés par toutes ces instances qui sont... Alors, elles ont été repérées parce que dès le début, dès les années 90, on a déjà des premiers rapports internes à l'éducation nationale qui font état de l'inefficacité de cette pédagogie utopiste dont on pourra reparler tout à l'heure, de ces méthodes pédagogiques qui en réalité sont absolument délétères pour les classes populaires et pour les petites classes moyennes, parce que ces méthodes-là, elles sont catastrophiques, mais pour les enfants, puisque vous parliez précédemment du rapport de Jérôme Fourquet, pour les enfants des catégories socio-professionnelles plus, eux, ça pose pas de problème, parce qu'il y a le parachute... Oui, puis il y a surtout le parachute culturel familial qui permet de compenser. Quand à l'école, on ne lit pas de la littérature ou on ne transmet pas des référents culturels qui vont permettre d'avoir une culture générale très solide et très riche, bah, c'est pas grave, parce que papa et maman vous emmènent au Louvre, vous emmènent au théâtre, participent justement à combler je dirais pas forcément les défaillances de l'école, mais cherchent à combler justement ce qui jusqu'ici était transmis par l'école. Et ça veut dire que les gamins des milieux populaires, eux, n'ont pas ce parachute culturel. Et c'est ça l'échec de cette pédagogie. On pourra en reparler de comment ça de la théorie pédagogique. Dans la trentaine d'institutions dont on vient d'évoquer, personne ne réagisse, personne ne... Parce qu'en réalité, il aurait fallu reprendre d'abord le problème à la base, et surtout, il aurait fallu, une bonne fois pour toutes, dès le départ, si vous voulez, faire un petit peu de nettoyage aussi au sein de l'université, en particulier de ceux qui influençaient ces administrations, parce qu'à chaque fois, dans ces administrations qu'on dit indépendantes, ces entités administratives indépendantes qui sont des conseils à ceci, conseils de cela, voilà, qui ne manquent pas d'ailleurs non plus à l'éducation nationale, on en a pas mal aussi, et d'ailleurs le nouveau ministre en crée de nouveau, donc on voit bien que cette mode-là ne s'arrête pas, et à l'intérieur de ces institutions, vous avez des gens de la société civile, la preuve, hein, moi j'étais au HCI, je suis quelqu'un qui vient, on pourrait dire, de la société civile, j'ai jamais été dans aucun parti politique, j'ai jamais milité, donc voilà, j'étais pas encartée. Mais en même temps, j'étais force d'influence d'une certaine façon. Or, dans ces questions pédagogiques, par exemple, c'est un certain courant militant politique et aussi militant pour ces questions pédagogiques qui avait la main sur ces institutions-là et qui conseillait donc les ministres, les uns derrière les autres. Les démolisseurs de l'école. Voilà, les démolisseurs de l'école parce que eux fonctionnaient sur des références philosophique, se paraît de termes scientifiques pour en réalité travailler à la destruction du modèle scolaire qui avait jusque-là fonctionné, avec ses insuffisances bien sûr, mais qui en tout cas avait à peu près permis, en tout cas à des enfants de milieu populaire, de savoir au moins lire et écrire et calculer quand ils quittaient le CM2. Et donc, comment ça se fait que ces gens-là qui ont déployé autant d'énergie pour imposer un système philosophique, idéologique, comme vous dites, pour essayer de réduire les inégalités de notre pays, ne se soient jamais rendus compte d'eux-mêmes, puisque, comme vous le dites aussi dans votre livre, ce sont globalement les mêmes depuis 20 ou 30 ans, ne se soient jamais rendus compte eux-mêmes que leur propre politique avait des défauts, et qu'ils étaient déjà dans leur intérêt premier ainsi que dans l'intérêt de la France, que de changer de cap. Alors si, ils s'en rendent compte, parce que si on prend l'exemple de M. Philippe Mérieux, par exemple, c'est très drôle, parce qu'il a pendant 20 ans régné sur ce qu'on appelle les sciences de l'éducation. C'était vraiment le gourou de la pédagogie constructiviste, mettre l'élève au centre du système, le rendre acteur de ses propres apprentissages, etc. Et puis là, depuis quelques années, il est quand même face à l'échec de sa pensée, en quelque sorte, et il reconnaît que oui, sur certains aspects, il s'est trompé. D'ailleurs, c'est ce que disait aussi Bourdieu dans les dernières années de son enseignement. Il disait, oui, j'ai peut-être exagéré à certains moments, ou alors j'ai été mal compris. Mais en réalité, quand vous lisez bien leurs écrits et quand vous écoutez bien ce qu'ils continuent à diffuser, notamment vers les enseignants, puisque ces gens-là ont quand même une influence très importante dans la formation des professeurs, eh bien, ils continuent en réalité à véhiculer cette idée qu'il faut toujours travailler à ce que l'élève soit l'acteur de ses propres apprentissages. Et c'est ça qui est très étonnant d'ailleurs, hein, c'est cette incapacité à se remettre en question alors même que les résultats sont catastrophiques. Une des bases de l'enseignement qu'on enseigne aux élèves, c'est l'application de la raison critique. Alors tout à fait, là, sauf que c'est je paradoxal. Pense que le moment fatidique, ça a quand même été pour eux les 4 ans du ministère Najat Vallaud-Belkacem, parce que je pense que là, ils ont vraiment eu les rênes du ministère, hein, parce que c'était vraiment Najat Vallaud-Belkacem était conseillé par... Laisser faire tous ces... Oui, bien entendu, le CSP, hein, Monsieur Lusso et tous les gens qui étaient au Conseil supérieur des programmes, qui sont ceux qui ont fabriqué les nouveaux programmes de la réforme du collège et de l'enseignement primaire, ont vraiment donné libre cours à tout leur délire utopiste. Et je pense que l'impopularité magistrale de Madame Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation nationale, qui est quand même assez rare, je pense que c'est elle est à peu près aussi impopulaire que l'a été Allègre en son temps, ce qui n'est pas peu dire. C'était pas facile. Chez les enseignants, pour être aussi impopulaire, il faut quand même le faire. Et chez les parents d'élèves aussi. Parce que vous voyez, par exemple, on parle en ce moment beaucoup des écoles privées hors contrat. Quand on voit le nombre d'écoles privées hors contrat qui ont ouvert depuis 2 ans, c'est-à-dire sous l'effet absolument immédiat de la réforme. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de parents qui ont dit non, là, on n'en peut plus, on ne veut plus mettre nos enfants dans des écoles publiques et même dans des écoles privées sous contrat parce qu'on ne veut pas des programmes qui ont été concoctés par Najat Vallaud-Belkacem et par justement tout ce camp pédagogiste. Alors aujourd'hui, avec M. Blanquer qui tient un autre discours, on essaie de croire que cette page-là est tournée. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que même si M. Blanquer a de bonnes intentions, ces gens-là sont toujours là. Ils sont en grande partie indéboulonnables et ils ont encore une influence très grande, notamment sur la formation des enseignants. Donc, je pense qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Samuel, oui. En deux mots, quelle est cette pédagogie utopiste que vous dénoncez, qui a été mise en place, pour rappeler un peu. Pour expliciter pour nos auditeurs. Alors, cette cette pensée constructiviste, si vous voulez, elle prend ses racines très très loin dans l'histoire. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'au philosophe des Lumières, mais à partir du XVIIIe siècle, si vous voulez, il y a eu cette idée que la libération des individus passait par l'éducation des masses et qu'il fallait absolument éduquer le peuple pour justement le libérer, l'émanciper et pour qu'il puisse penser par lui-même, développer son esprit critique. Et puis, en fait, tout au long du XIXe siècle, on a commencé à voir cette utopie hein, de l'émancipation par l'éducation s'effilocher dans la mesure où la pédagogie a commencé à se prendre pour une science. Et en particulier, à se prendre pour une science, mais matinée dans le même temps de rousseauisme. C'est-à-dire avec cette idée que l'enfant est un individu en soi, qu'il a ses propres savoirs, sa propre liberté, et qu'il faut le laisser se promener dans les apprentissages, et puis vaguement le guider, comme ça, hein, et puis il va apprendre par lui-même. Bon, ça c'est la pensée de Rousseau, qui est une philosophie de l'éducation qu'il n'a jamais lui-même appliquée. Appliquée à ses enfants, bien sûr, puisque de toute façon il ne s'est pas occupé de ses enfants. C'est ça. Il était même d'ailleurs contre, par exemple, l'éducation des filles. Bon. Ce grand progressiste de Rousseau, donc, a servi de modèle. Et au tournant de la fin du XIXe siècle, 1880 jusqu'aux années 50, la pédagogie a commencé à se piquer de science. C'est-à-dire qu'on était dans l'époque positiviste. Ce qui comptait, c'était le progrès et le progrès scientifique. Donc, on s'est mis à développer des théories pédagogiques qui travaillait à la fois sur le champ de la psychologie, notamment la psychologie autour de gens comme Binet-Simon, qui en réalité étaient des gens qui ont... Binet-Simon, c'est l'invention du QI pour trier les élèves et les enfants, c'est-à-dire en disant certains sont éducables, d'autres ne sont pas éducables. Hein, c'est quand même ça à la base. Hein. Et puis, d'un autre côté, la sociologie. Et en fait, la pédagogie, en se prétendant scientifique, ben, elle s'est donnée des ambitions, finalement... qui était assez autoritaire vis-à-vis des enfants et comme si, en fait, les penseurs de la pédagogie sortaient des vérités et que les enfants, finalement, étaient des sortes de cobayes qu'il allait falloir soumettre à ces théories pédagogiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, si on parle de la question de l'apprentissage de la lecture, c'est que la méthode globale qui a servi, la lecture de Vinette, hein, c'est-à-dire on apprend les mots de façon photographique. Oui, c'est quand j'ai vu ça dans votre livre, j'ai halluciné. Je me dis, comment on peut apprendre aux élèves? Mais vous avez appris comment, vous, la méthode syllabique? Je ne sais pas. Il faudrait d'ailleurs que vous reveniez là-dessus, parce que bon, j'ai cru deviner ce que c'était, mais voilà, on me faisait lire en m'expliquant chaque son, chaque syllabe, puis après, on me faisait faire des lignes d'écriture, et c'est comme ça que j'ai... Voilà, c'est ça, oui. Quand on accumule des lettres, voilà, quel sens ça forme. Mais alors, le fait d'apprendre en devinant... Visualisant, voilà. Ouais, là, ça m'a paru absolument ubuesque. C'est pourtant ce qui est... Alors, la méthode globale, semi-globale, c'est la méthode qui est largement utilisée, même encore aujourd'hui, contrairement à ce que prétendent les pédagogistes. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est une méthode qui, en réalité, a été inventée à la fin du 19e siècle pour les enfants qui étaient les enfants sourds. Oui, les enfants sourds. C'est parce que, justement, comme ils avaient des difficultés à entendre les phonèmes, on s'est dit, tiens, ce serait une idée de leur apprendre à lire uniquement par la visualisation, ce qui est une plutôt bonne idée pour les enfants sourds. Sauf que appliquer à toute une population d'élèves une méthode qui s'appliquait aux enfants sourds, c'est un petit peu étrange. D'autant plus qu'on voit très bien qu'en réalité, pour les élèves qui ont des difficultés justement à entrer dans l'apprentissage de l'écriture, la lecture de Vinette, il n'y a rien de pire parce que justement, elle vous empêche toute autonomie. À partir du moment où vous savez, vous apprenez à lire avec la méthode syllabique, une fois que vous avez appris le système de l'assemblage syllabique, vous êtes complètement autonome dans votre lecture. Alors que quand vous avez appris à identifier les mots par leur contexte ou uniquement par la visualisation, dès que vous rencontrez un mot nouveau, vous êtes incapable de le déchiffrer. Et donc, on voit bien là qui sont les élèves qui vont être pénalisés. C'est justement les élèves qui vont être les plus en difficulté déjà à la base. Or, on sait très bien que les élèves qui sont les plus en difficulté à la base sont les enfants de milieu populaire. Je mets à part, évidemment, tous les élèves qui ont des problèmes type dyslexie, etc. Mais l'élève lambda qui n'a pas de problème type dyslexie, c'est déjà des enfants qui rentrent en maternelle avec des problèmes d'apprentissage de la langue, qui ont déjà un lexique pauvre, parce qu'ils ne sont pas suffisamment stimulés d'un point de vue linguistique dans le milieu familial. Et si en plus l'école ne les aide pas en ne leur permettant pas cette autonomie par les bonnes méthodes d'apprentissage de la lecture, ils ne peuvent pas s'en sortir. Or justement, la méthode globale notamment, elle était tellement inappropriée que dans les années 20-30, on retrouve des circulaires de l'éducation nationale qui disent il ne faut surtout pas utiliser cette méthode. Donc déjà à l'époque, il y avait des enseignants sans doute qui voulaient l'utiliser et le ministère lui-même s'était fendu de plusieurs circulaires pour dire qu'il ne faut pas utiliser cette méthode. Et bien dans les années 70, On s'est dit non, c'est formidable, on va ressortir de sa boîte cette méthode, alors qu'on va évidemment enrober avec des beaux termes scientifiques, intellectuels de l'université, pour faire croire qu'on avait découvert la face cachée de la Lune, alors qu'en réalité on ressortait une vieille méthode de ce qu'on appelait la pédagogie nouvelle du début du XXe siècle. Et on a fait croire que ça allait être le miracle pour que les enfants des classes populaires puissent enfin avoir un bon niveau et surtout puissent apprendre à lire sans s'ennuyer, parce que c'était ça le but. Que d'ailleurs, vous parlez de l'importance de l'ennui dans votre... Voilà, le béaba, c'est fatigant. Le béaba, c'est rebutant. Hein. L'enfant en a marre de répéter béaba, céo, so. Non, voilà. Donc, on va lui apprendre, au contraire, de façon plus ludique, à reconnaître les mots comme si les mots étaient des images. Ben, en réalité, le résultat aujourd'hui, c'est que la France est au plus bas des classements en termes de lecture, en termes d'écriture, en termes d'orthographe, en termes de mathématiques. Donc, il y a un moment donné... C'est ce que M. Blanquer essaye de faire, mais avant lui, M. Darcos avait déjà commencé à dire qu'il fallait absolument remettre en cause un certain nombre de méthodes. Raphaël. Est-ce que ce n'est pas la conséquence d'un changement dans la société, dans la mesure où, par exemple, vous parlez de l'ennui qui doit être proscrit de l'école? Est-ce que ce n'est pas une conséquence de cette société qui, dans laquelle on ne peut plus s'ennuyer car il y a un divertissement constant avec les réseaux sociaux? Et d'ailleurs, c'est ce que vous décrivez bien dans le livre, avec cette société individualiste, marchande, consumériste. Oui, en fait, est-ce que c'est la société qui s'impose à l'école, ou est-ce que l'école a encore les moyens de changer cette société? Alors, d'une certaine façon, la société s'est toujours imposée à l'école. Mais l'école, si vous voulez... C'est par l'école qu'on forge une nouvelle société. Voilà, d'abord, c'est à l'école qu'on forge la société de demain. Donc, c'est pour ça que c'est très important, j'y reviendrai. La mission qu'on donne à l'école, elle est très importante parce que c'est quelque part la mission qu'on donne à la société de demain. Mmh. Et si on lui donne une mission de nature culturelle, c'est-à-dire transmettre des savoirs et permettre aux élèves d'acquérir une culture générale basique, parce que moi je ne suis pas pour qu'on fasse de l'encyclopédisme à l'école, je pense qu'au contraire ce qu'il faut c'est qu'un élève qui sorte du CM2, qui sorte de 3e ou qui sorte au baccalauréat, il ait une culture générale solide, mais pas forcément encyclopédique. Il y a les études supérieures pour cela, il y a aussi son propre cursus personnel d'enrichissement, les lectures qu'on se choisira quand on sera adulte, mais il faut que l'école elle donne les moyens à l'individu, justement, de pouvoir ensuite aller plus loin, aller plus haut avec l'enseignement supérieur. Or ça, on ne permet plus aux enfants de sortir en maîtrisant suffisamment les règles et la base centrale qui est l'apprentissage d'une langue commune. Quand vous sortez avec votre baccalauréat, avec un lexique extrêmement pauvre et réduit, alors que vous allez avoir d'autres bacheliers qui vont sortir de lycées plus prestigieux, qui vont avoir une meilleure syntaxe. Eux, ils ont travaillé, oui, et puis ils ont lu. Puis ils ont... Eux, on les a... C'est quelque chose qui m'a étonné. Ce dont je vais vous parler, enfin, l'apprentissage comme ça des bases, notamment culturelles, littéraires ou arithmétiques, peuvent être... Ces choses-là, on a l'impression que par le passé, elles ont été acquises pour nos parents, nos grands-parents, et qu'aujourd'hui, finalement, il y a une forme de dislocation d'éducation qui fait que maintenant, les jeunes générations ne l'apprennent plus. Mais à vous écouter, quand vous répondez tout à l'heure, quand vous répondiez à Samuel, on a l'impression qu'en fait, finalement, ces techniques destructrices ont toujours existé, ou en tout cas depuis la fin du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, à l'époque où on apprenait peut-être bêtement nos ancêtres le gaulois, nos parents savaient lire, écrire, jusqu'à nos plus jeunes âges, moi, mais ma grand-mère et ma mère m'ont toujours repris sur mon orthographe, par exemple, sur les maths. Pourtant, ne sont jamais devenues des écrivaines, ni des grandes mathématiciennes. Mais elles ont réussi à nous transmettre ces bases, ces personnes, c'est elder en anglais, enfin c'est les gens nos qui étaient avant nous, les anciens, et aujourd'hui maintenant on a l'impression que tout part un peu à volo. C'est que quand vous regardez les bacheliers aujourd'hui... Parce que c'est le résultat de la trentaine d'années de décrépitude. Donc il y a bien un avant, un après. Bien entendu. Après, l'école des années 30, l'école des années 50, elle était d'une certaine façon inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de grands talents qui, pour autant, n'accédaient pas à l'enseignement supérieur parce que, quelque part... Il ne faut pas la fantasmer non plus. Cette école parce qu'elle elle était assez injuste socialement et culturellement d'une certaine façon. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, elle permettait à toutes les classes sociales d'acquérir cette langue commune et aussi cette forme d'imaginaire commun. Et moi, effectivement aussi, je viens d'une famille assez populaire, avec des parents qui, pour mon père, étaient d'un milieu vraiment modeste, et qui a appris à lire grâce à l'école. Et il n'avait vraiment pas du tout... il n'était pas né dans une famille qui lui permettait d'accéder à cette culture. Et c'est là qu'est l'échec de l'école, d'autant plus que ces méthodes-là, elles nous ont été proposées et elles nous ont été imposées par des gens qui nous ont expliqué que c'est comme ça qu'on allait réduire les inégalités. Et que c'est comme ça qu'on allait répondre à la massification scolaire, c'est-à-dire l'entrée en masse de tous les enfants qu'on devrait conduire jusqu'au bac, parce que c'est ça, hein, il faut que tout le monde aille au baccalauréat. eh bien, c'était ces méthodes soi-disant révolutionnaires qui allaient les y conduire. Et non seulement elles les y conduisent, certes, parce qu'on a tellement baissé le niveau du bac que forcément tout le monde l'a, mais dans quelles conditions ? Vous avez aujourd'hui combien d'enseignants en faculté qui disent les élèves que nous avons en première année de licence sont incapables de décrocher une licence ? Oui, parce certaines licences ont même en première année des taux d'échec à plus de 50-60%. Voilà, plus de 60% pour certaines, certaines filières. Ouais. Donc là, ça pose de vrais problèmes. D'ailleurs, je ne crois pas, on en reparlera tout à l'heure, que réformer le bac suffise. Mmh, il faut absolument une réforme de fond. C'est ce qu'on évoquera tout à l'heure. Dès les petites classes, parce que là, je suis désolée de le dire, mais les bacheliers de 2020, c'est déjà pas là, c'est pas sur cette génération-là qu'il faut agir. Il faut agir sur ceux qui rentrent maintenant en maternelle. Alors, il y a un autre... comment dire, il y a un autre point que vous évoquez dans votre livre régulièrement, c'est la question du multiculturalisme et la question finalement du rôle national de l'école. Et ce que vous dites d'une certaine manière, c'est qu'en fait cette éducation n'est plus nationale et qu'elle ne prépare plus les enfants à être des citoyens. Mais est-ce que l'école doit encore se fixer comme but de construire des citoyens français, des gens qui se sentent appartenir à cette nation, alors qu'on est dans un monde où l'idée de nation semble de plus en plus s'éroder. Quel est le sens encore qu'il y aurait à ça ? Alors, que le sens de la nation s'érode. Oui, peut-être pour les pays européens, mais pour le reste du monde, je crois pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que si vous allez en Chine, vous allez en Russie, vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, je parle du Québec par exemple, vous allez en Afrique, la plupart des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, et vous allez leur dire aux Indiens, le concept de nation s'érode, ça veut plus rien dire, faut dépasser la nation, c'est le post-national. Là, je crois que vous allez vous faire recevoir, parce que je pense qu'en fait, effectivement, nous Européens, nous pensons que notre modèle post-national de cette espèce de vaste ensemble européen dans lequel on essaie de croire qu'on a une identité commune, alors qu'en réalité, notre seule identité, pour l'instant, en Europe, c'est la Commission de Bruxelles et la finance internationale, parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Donc, effectivement, ça a l'air de plaire beaucoup à M. Macron, mais en réalité, il y a une aspiration profonde des peuples dans toute l'Europe, et ça c'est clairement montré au cours des dernières élections. Alors, bien sûr, la France, tout d'un coup, s'est mise à faire exception parce qu'on a élu M. Macron, mais enfin, c'est quand même oublié qu'il a été élu avec beaucoup d'abstention. Sur une fracture, oui. Et qu'il a été élu surtout face à Mme Le Pen. Donc on voit bien quand même qu'il y a une aspiration nationale et que c'est pas parce que maintenant on a remis le couvercle sur la marmite que cette aspiration-là n'existe pas. Et justement, il faut absolument éviter que cette aspiration à une identité commune, elle soit appropriée par des gens comme Mme Le Pen. Parce que c'est justement ça tout le danger, c'est que ce soit les extrémistes qui s'approprient la question de l'identité nationale. Ce qui est plus ou moins le cas malheureusement depuis 10 ans. C'est le cas depuis 10 ans parce que ça arrange tout le monde de faire monter le Front National. Quand vous faites monter le Front National et que vous êtes sûr que c'est lui que vous aurez en face au deuxième tour, c'est tranquille, ça s'appelle une élection en pantoufle. C'est quand même depuis... C'est la même chose qu'avec les communautarismes. C'est depuis 1980 qu'on a fait monter le Front National. La stratégie de Mitterrand, ça. Oui, voilà ça. Raphaël. Oui, vous parlez beaucoup de l'identité française, mais comment la définir concrètement ? Sur quelle base on doit faire adhérer un ensemble de Français et notamment pour les personnes issues de l'immigration, comment les intégrer à la nation française? Alors moi, sans justement, leur faire totalement renier non plus l'héritage. Ah mais bien sûr, mais je pense que quand l'école est dans ses fondamentaux, c'est-à-dire la transmission d'un savoir culturel exigeant, il agrège à lui l'ensemble de ceux qui vont constituer les citoyens de demain. Et l'élément qui agrège, pour moi, les élèves à cette idée qu'on partage quelque chose en commun, qu'est la nation française et l'identité nationale, c'est notre langue et notre littérature, avant même notre histoire. C'est-à-dire que moi, je suis prof d'histoire-géographie, mais je pense que c'est presque plus par la littérature qu'on peut vraiment se sentir véritablement français. Mais quand vous n'avez pas les moyens d'entrer dans la littérature, et quand même l'école elle-même déserte à l'idée de vous faire lire intégralement du Flaubert, du Balzac, parce que c'est trop compliqué, c'est trop fatigant, et qu'on préfère vous faire lire des petits résumés ou des extraits de texte, ça pose un vrai problème. Or aujourd'hui, on a enseigné par exemple la littérature d'une façon tellement froide, tellement technique, qu'on dégoûte les jeunes de lire la grande littérature. Et je pense que justement, il ne s'agit absolument pas de faire un nouveau format de roman, ce qu'on appelle le roman national. J'ai horreur de cette expression. Voilà, j'ai horreur de cette expression. D'abord, ce n'est pas un roman national, c'est un récit national. Le récit, par principe, c'est quelque chose qui s'écrit en fonction de notre présent, mais qui se révise régulièrement. C'est-à-dire que Flaubert disait l'histoire n'est rien d'autre que le regard de notre présent sur le passé, et l'histoire romaine doit donc se réécrire tous les 30 ans. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on interprète l'histoire au regard d'abord des sources nouvelles que l'on a, mais aussi de notre projet. Au pire dérive qu'on a vu aujourd'hui, où là, ne serait-ce que pour citer les déclarations d'anciens ministres de sous Hollande, je pense notamment à Madame Taubira, on arrive à une sorte de révisionnisme historique où on est quand même arrivé en Espagne ou en Amérique à déboulonner des statues de Christophe Colomb parce qu'on a mis à jour notre vision de l'histoire et qu'aujourd'hui, parce que Christophe Colomb a fait des choses à son époque qui sont aujourd'hui qui ne sont plus acceptées, on devrait les livres d'histoire. C'est pas vrai. Justement l'instrumentalisation idéologique de l'histoire. Mais moi, je considère justement que l'histoire scolaire, on doit la sortir de cette idéologie. Et c'était bien le problème. Mais est-ce seulement possible? C'est tout à fait possible si on s'en donne les moyens. C'est-à-dire que sous différents ministres, de droite comme de gauche, on a eu justement des idéologues qui cherchaient à utiliser l'histoire scolaire pour faire passer une certaine idéologie. Moi, je pense que l'histoire, il y a une forme de récit commun qui intègre, bien entendu... National, vous voulez dire, ou international? Un récit national commun, qui intègre à la fois les nouveaux consensus académiques, mais qui, par exemple, n'insère pas dans l'histoire scolaire les questionnements universitaires, parce que ce que Madame Taubira et d'autres ont essayé d'infuser dans l'histoire scolaire, c'est ce qui reste pour l'instant sous la forme simplement hypothétique dans le monde universitaire. Il n'y a absolument pas de consensus académique sur les choses que ces groupes-là essaient de transmettre, c'est-à-dire cette espèce d'histoire repentante. Enfin, Madame Taubira, elle s'intéresse beaucoup à la traite atlantique, elle ne s'intéresse pas du tout à la traite arabe. Elle a dit d'ailleurs récemment, apparemment, qu'on ne devait pas reprocher aux petits musulmans ou aux petits maghrébins qui viennent en France la traite des Noirs par les Arabes, parce qu'il avait déjà suffisamment de poids sur ses épaules, mais alors que les autres n'ont... Voilà, c'est ça. Donc, il fallait pas... C'est pourquoi, d'ailleurs, elle a fait en sorte, et avec d'autres aussi, que dans la révision des programmes, dans la refonte des programmes, il ne soit toujours pas abordé la question de la traite arabe. Bon, ce qui en soi me pose problème, parce que si on décide de parler des traites négrières, qui est un sujet très important, parce que c'est aussi comme ça que le capitalisme européen s'est construit, c'est aussi les traites négrières, il faut bien parler des traites négrières au pluriel, et notamment, si on ne parle pas des traites arabes, on va avoir beaucoup de mal à comprendre la traite occidentale, parce que justement, la traite occidentale, elle s'est servie aussi d'un certain nombre de routes commerciales qui avaient déjà été empruntées par les Arabes, et surtout d'intermédiaires africains qui étaient déjà rompus à l'exercice de ce commerce avec les Arabes depuis bien longtemps. L'Europe avant n'était pas du tout sur la même base. On va faire notre première pause, on a je crois assez bien dressé le constat de la situation face à laquelle l'éducation se trouve, constat plutôt sombre. On va revenir sur pas mal des points qui ont été évoqués ici et réfléchir concrètement aux solutions que l'on peut apporter, au-delà même d'une simple réforme du baccalauréat par exemple. Ça va être notre sujet de débat, mais avant c'est notre pause musicale. Effectivement. Samuel, et on s'écoute Hotel California de Eagles. À tout de suite sur Web7 Radio. and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Sur OF7 Radio et on se retrouve pour la suite du 99e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie, qui vient de publier Génération J'ai le droit aux éditions Albin Michel. N'hésitez pas à réagir en direct sur les réseaux sociaux, sur le chat du site de OF7 Radio, OF7Radio.fr, dans l'onglet Participer. C'est l'homme fort du moment. En une du point, il est décrit comme le vice-président et comme la nouvelle star par Valeurs Actuelles. Alors qu'il vient de détailler sa réforme du baccalauréat, Jean-Michel Blanquer est à la une de l'actualité. Il semble qu'il veuille dépoussiérer l'éducation nationale et réformer ce qui a été décrit pendant longtemps comme irréformable. En tout cas, la rupture avec Najat Vallaud-Belkacem semble assez claire. Est-ce la bonne stratégie? Au-delà des coups de com', peut-il vraiment rebâtir l'école? Quelle éducation nationale pour demain? C'est notre grand débat. Le grand débat, l'heure de vérité. Le clivage n'a jamais été aussi prégnant. Le moment paraît venu de choisir un chemin qui sera sans retour dans un monde qui va trop vite. On peut ouvrir l'école à tous les vents mauvais qui soufflent autour d'elle, voire en elle, dans certains quartiers. On peut faire le choix d'accommodement à court terme, la paix maintenant, sans penser à demain. Ou alors on décide de mettre enfin hors jeu les fossoyeurs de l'école républicaine. Ne rêvons pas, la génération actuelle d'écoliers aura à subir les conséquences des politiques éducatives calamiteuses établies depuis près de 40 ans. Mais pour la génération suivante, comment redonner à tous l'envie de l'école comme lieu des savoirs? Car c'est là qu'on forgera le premier cercle d'appartenance collective à la nation et qu'on arrivera à endiguer les débordements identitaristes et leur surenchère de « j'ai le droit ». Voilà les mots très forts et sans concession de Barbara Lefèvre dans son livre « Génération, j'ai le droit ». Ces mots résonnent de façon particulière alors que Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation, semble vouloir être en rupture avec ses prédécesseurs. Réforme du baccalauréat, dédoublement des classes de CP en zone défavorisée, retour des classes bilingues et de la semaine de 4 jours, ou encore projet de création d'unités laïcité pour soutenir les étudiants ou interdiction du portable. Voici quelques-unes des mesures fortes du ministre envisagées ou déjà établi. Alors que faut-il en penser? S'agit-il de gadgets, de coups de com' qui détournent l'attention des sujets de fond? Ou au contraire, est-ce une avancée majeure? Quelle éducation nationale doit-on construire? C'est notre grand débat et je vous propose, Barbara Lefèvre, pour commencer, qu'on revienne un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je voulais vous interroger sur la réforme du baccalauréat, mais vous disiez en fait ce n'est pas suffisant. C'est un gadget pour vous cette réforme et ça détourne l'attention, ça fait écran de fumée par rapport au vrai sujet de fond. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est un gadget parce que de toute façon, de l'avis général des enseignants, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très lourd et d'assez inefficace en soi. Donc, de toute façon, il fallait alléger en tout cas la structure du baccalauréat. Néanmoins, bon, c'est une promesse du candidat Macron. Donc, oui. Monsieur Blanquer est dans son travail, c'est-à-dire d'appliquer les promesses électorales de Monsieur Macron. C'est exactement la même chose pour les dédoublements des CP, CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. C'était dans le programme de Monsieur Macron. Donc voilà, ça, il applique politique. Ça, c'est plus sur le redoublement des classes CP, ça correspond plutôt à ce que vous disiez en disant qu'il faut mettre la priorité sur l'école primaire. Oui, mais alors ça, après, on en reparlera parce que je suis pas du tout convaincue de l'efficacité de cette forme-là de restructuration. Mais ça, je vais en parler après parce que ça me semble très important. Mais en effet, bon, c'est bien de s'occuper du baccalauréat, mais enfin, à mon avis, d'abord, il n'y a pas de quoi en faire un fromage parce que, bon, en soi, il lui donne un petit coup de jeune, il le compacte en quelque sorte pour le rendre à la fois plus efficace et moins lourd à organiser. Bon, ça va faire donc, à mon avis, quelques peu substantielles économies budgétaires, donc ce sera bien. Après, le fond ne sera pas changé. Quand je vois cette histoire de grand oral, moi, je pense que le grand oral, si ça ressemble aux oraux qu'on fait passer en troisième pour le brevet national du collège, ben, je peux vous dire que c'est pas la joie. Donc, la question de la préparation à l'oral, c'est quelque chose de très important. En même temps, justement, cette importance donnée à l'oral, ça me semble encore une fois être une façon de détourner l'importance de l'écrit. Bon, bien entendu, hein, y a énormément d'épreuves écrites au baccalauréat, donc je suis pas quand même à ce point de mauvaise foi, mais enfin, donner comme ça la primauté à l'oral, c'est-à-dire le don de la rhétorique, etc., en réalité, on essaie de faire croire aux jeunes aujourd'hui que bien parler, en réalité, c'est bien convaincre, et c'est en fait bien manipuler les esprits. Donc il y a une forme, finalement, je trouve, d'hypocrisie à présenter ce grand oral comme étant un grand moment d'expression de culture générale. J'ai surtout l'impression que c'est, en fait, apprenez à devenir des propagandistes, et vous verrez des démagos, en fait. Hein. Et moi, je considère que, voilà, travailler l'oral, c'est pas pour faire des élèves de grands démagogues en utilisant la rhétorique. C'est aussi, très discriminatoire par rapport aux classes populaires, aux classes aisées. Oui, pourquoi c'est discriminatoire? Un oral, par définition, genre, t'es plus avantagé si tu viens d'une classe aisée, forcément t'es plus non, fort. Mais alors, ouais, tu serais plus timide si tes parents ont plus d'argent, je vois pas le non, lien. C'est sur la question... la question des compétences lexicales, mais je crois que par contre là, il faudra pas s'inquiéter, c'est-à-dire que les grilles de notation ne seront pas les mêmes entre Louis le Grand et le lycée de Sarcelles, si vous voulez. Ça, c'est inégalitaire, je trouve que c'est un camouflet pour les classes populaires, ça. Exactement, c'est-à-dire que vous inquiétez pas, celui qui aura 15 au lycée de Sarcelles, il aurait eu 8 c'est pour ça que je considère ça discriminatoire. Tu prends un élève de banlieue ou un élève, par exemple un élève de Sarcelles ou d'une cité, forcément il va avoir une prestance orale beaucoup moins bonne qu'un élève de Parce qu'on ne l'aura pas bien formé à écrire, à déchiffrer, à parler et à lire. C'est ça, c'est parce que l'école a failli en maternelle et en CP et qu'elle n'arrive pas à avoir les résultats. Mais après, l'oral, oui, non, je pense que ça peut être une bonne idée de faire un tiers du bac à l'oral. Ça permet aussi d'être capable de se présenter, de mettre en C'est pour ça, encore une fois, que la question de la réforme du baccalauréat, c'est ni l'alpha et l'oméga de... Mais d'ailleurs, je pense pas que M. Blanquer le présente comme cela. Je pense qu'il a bien conscience que, voilà, il fallait faire cette réforme. Elle était promise par M. Macron. Il mange pas blanc, Jean-Michel Blanquer, à ce moment. Oui, bah en ce moment, il est dans une bonne phase de communication. Après, ce sont de très bons communicants. Hein, je crois qu'ils sont bien cornaqués aussi. Hein, depuis l'Élysée, tout cela est bien organisé. Plus de 60% d'opinions favorables pour Jean-Michel Blanquer. Oui, oui, mais en même temps, vous savez, je crois honnêtement que je ne suis pas dans les petits papiers parce que je ne sais absolument pas ce qui se passe dans ce gouvernement. Enfin, je pense qu'ils sont tous très cornaqués par l'Élysée. Donc, ils ont des ordres très précis. Ça permet de donner une unité positive du gouvernement, d'accord. Mais après, la vraie question, c'est est-ce que les réformes vont servir. Je pense que c'était important de donner l'image d'une unité gouvernementale. Ah bah sûr, après ce qu'on avait vécu pendant 5 ans sous Hollande, bon, et je parle pas de sous Sarkozy, c'était pas plus unitaire non plus. Bon, après, entre l'unité et la marche militaire, il y a une marge. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, est-ce que M. Blanquer va avoir les moyens d'aller vers des réformes très profondes, et en particulier en maternelle et en primaire ? Je ne sais pas. Vous pensez qu'il risque justement, d'être bloqué par les ambitions électorales de... Bah, je pense que... Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup M. Macron, la question d'une réforme de structure profonde de la maternelle et du primaire. Mmh. Parce que voilà, ce qui intéresse M. Macron, c'est une école utilitaire. Il a besoin d'une école qui forme des jeunes bacheliers qui vont pouvoir ensuite entrer... Alimenter la Startup Nation. Voilà, exactement. Être à même de s'insérer dans l'idée qu'il se fait de la France qui gagne. Et je pense que la France qui gagne, il va y en avoir encore beaucoup qui vont rester sur le carreau. Justement, puisqu'on parle de l'école primaire, que vous vouliez revenir sur la question du dédoublement des classes en CP. L'essentiel, aujourd'hui, quand on est un enseignant, on sait très bien que c'est déjà rien que l'entrée en maternelle. Mmh. Donc ça peut paraître un peu bizarre avant ce que je vais dire. Avant même le CP. Bien sûr. Alors, on pourrait même parler de la petite enfance parce que... Maternelle qui n'est pas obligatoire faudrait, en France. Voilà, mais il faudrait quand même rappeler que les premiers éducateurs de l'enfance sont les parents. Et que c'est même considéré... D'ailleurs, vous le rappelez dans le livre. Et d'ailleurs, il faut bien distinguer instruction et éducation. Voilà, et puis il faut bien se rappeler que c'est même la loi qui le définit. Et y compris la loi française, la loi européenne, la loi internationale. Les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant. On voit bien arriver... En petite section maternelle, des enfants qui ont eu des formes de carence éducative, de négligence dans l'éducation, c'est-à-dire avec des parents qui ont effectivement pas usé de leur véritable rôle en tant que figure d'autorité qui pose les limites et qui permet notamment à l'enfant de pouvoir s'insérer dans cet espace très particulier qu'est l'espace scolaire. Parce que l'espace scolaire, c'est quand même le premier lieu où l'enfant va apprendre à se déprendre de son identité d'enfant pour devenir autre chose, c'est-à-dire devenir un élève. Et c'est très compliqué pour un petit enfant de 3-4 ans de ne plus être juste l'enfant de papa, de maman, mais de devenir l'élève de sa classe. Il n'a pas choisi sa maîtresse, il n'a pas choisi ses copains, du moins ses camarades de classe, et il va donc s'insérer dans un espace social tout à fait différent et il va devoir entrer dans des apprentissages que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas. C'est ce que vous dites dès le début de votre ouvrage. Vous insistez sur la notion d'autorité, ou plutôt même de la perte, de la désertion de l'autorité dans le sein de l'école, ce qui empêche finalement l'enrichissement par le collectif de l'enfant. C'est ça, et ce qui est très important, c'est l'engagement parental. Et encore une fois, là, l'engagement parental, il ne dépend pas de notre milieu culturel. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été montées notamment par l'OCDE, PISA, etc., qui ont montré que même dans des familles, notamment issues de l'immigration récente, où la famille ne parle pas français, ou ne parle pas anglais, ne parle pas allemand, à partir du moment où la famille est engagée dans la scolarité de l'enfant, c'est-à-dire où quand l'enfant rentre le soir, on lui demande qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait, où on lui parle, où on mange avec lui. C'est pas c'est ce qu'on disait ce matin même. Et ces enfants-là n'ont aucun problème. Moi-même, j'ai enseigné très longtemps en ZEP. J'avais des élèves dont les parents venaient de pays asiatiques, du sous-continent indien, du Pakistan, etc. Ils ne parlaient pas du tout français. C'était des enfants qui fonctionnaient très bien à l'école parce que derrière, il y avait un engagement parental. Donc encore une fois, le discours misérabiliste qui consiste à nous dire oui, mais c'est des pauvres personnes de banlieue, etc. Non, il y a effectivement des familles dans lesquelles il y a une relation culturelle à l'école qui pose problème. Il y a une défiance vis-à-vis de l'école ou bien une ignorance et une certaine forme d'indifférence. Alors certains nous font croire aujourd'hui non, c'est parce qu'ils ont peur de l'école, parce que l'école elle est effrayante, les profs ils sont pas sympas. C'est pas vrai. L'école elle est extrêmement ouverte. Moi ça fait 20 ans que j'enseigne, je n'ai jamais vu des enseignants mal accueillir les parents. Ça c'est donc ni leur parler de façon condescendante. Ça c'est l'image que certains veulent donner des profs, mais c'est pas du tout la vérité. Par contre, des parents qui s'adressent à nous comme si effectivement on était un service public et que eux étaient des usagers et qu'on devait effectivement céder à tous leurs désirs, y compris changer certains aspects de nos programmes parce que ça ne correspond pas à leur culture religieuse, ça effectivement c'est inaudible pour nous. Comment on pourrait, ça c'est un problème qui est très fort, qui est central, mais qui, comme vous l'avez déjà dit, ne dépend pas tellement de l'école, de l'instruction publique, je veux dire. Comment on peut faire impliquer les... Parce que, comme vous l'avez expliqué très bien dans votre livre, ça je le dis pour nos auditeurs qui ne l'ont pas forcément lu ou qui ne sont pas avec nous sur le plateau, plateau, vous l'expliquiez à un moment, depuis 30 ans, l'éducation nationale a essayé d'intégrer le plus possible les parents dans le processus d'éducation de leurs enfants, mais ça n'a eu que pour seule conséquence, qu'en seule conclusion, de les désengager paradoxalement. Oui, parce qu'en fait, finalement, on les a autorisés à se décharger sur l'école de cette charge éducative et aussi de cette forme de charge d'autorité. Sauf que le problème, c'est que comme l'école non plus n'a plus envie d'assumer son autorité, résultat, finalement, personne n'a assumé son rôle d'adulte. Et le rôle de l'adulte... revenir à... Mais bien sûr, et d'ailleurs... plus d'autorité à l'école. Mais le parent lui-même est pédagogue. Oui. Un pédagogue, en grec, ça veut dire celui qui guide l'enfant. Oui. Donc, le parent... et pédagogue, l'enseignant est pédagogue. Alors la différence, c'est que l'enseignant est un peu un expert dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'il apprend aussi des techniques, voilà, parce que c'est son métier. Mais les parents aussi sont des pédagogues, ils guident l'enfant. Et quand on guide l'enfant, on n'est pas dans une domination, on n'est pas non plus dans le dressage. On essaie justement de faire éclore chez lui sa personnalité, sa singularité. Il ne s'agit pas de lui imposer de façon autoritaire des savoirs, des interdits, des limites. Non, il s'agit de l'aider à grandir. Apprendre à l'enfant qu'il y a dans la salle, il y a quelqu'un qui sait et les autres qui ne savent pas, ou qui ne savent pas encore en tout cas, et que si on leur dit d'apprendre ça, ce n'est pas pour les embêter, mais parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça, il faut commencer bien par quelque chose. Voilà. Et c'est pourquoi cette question... J'ai l'impression qu'on l'a oublié, ça. C'est pour ça que cette question du dédoublement des CP me pose un problème. D'abord parce que c'est finalement assez injuste. Pourquoi seulement les 20% d'élèves qui sont en zone d'éducation prioritaire auraient droit à ce dédoublement de CP-CE1? Peut-être parce que ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Oui, mais sauf que le problème, c'est que les enseignants qui pratiquent dans ces CP continuent toujours d'enseigner avec les mêmes méthodes. Donc que vous soyez 10, que vous soyez 15, forme, fond, ou que vous soyez 30, si vous enseignez avec des mauvaises méthodes ou des méthodes inappropriées, vous ne ferez pas progresser davantage les élèves. Moi, je souhaiterais promouvoir un autre type d'école primaire. Ce serait par exemple une école où... dès la fin de la maternelle, on puisse, non pas évidemment faire passer un examen à des pauvres enfants de 6 ans ou de 5 ans et demi, il ne faut pas exagérer, mais faire une vraie évaluation dans le dernier trimestre de maternelle pour voir déjà quelles sont les compétences réelles d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire les compétences lexicales de l'enfant, parce que c'est déjà là qu'on va pouvoir voir ceux qui vont réussir à s'en sortir dans les premiers mois du CP, qui vont entrer dans l'apprentissage de lecture, et ceux qui ne vont pas y arriver. Ça, on ne le fait pas du tout. On envoie en CP donc cette masse d'enfants où déjà certains sont déjà complètement en situation de ne pas pouvoir entrer dans l'apprentissage de lecture, alors que d'autres, en 3 mois, c'est bon, c'est fini. Entre en CP en sachant déjà lire. Bon, il faudrait absolument, par exemple, on met en place une évaluation, mais du coup, on fait quoi à ceux qui ne passent pas l'évaluation? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Il faudrait déjà les orienter vers ce que moi j'appellerais un CP en 2 ans. C'est-à-dire un CP en 2 paliers. Ouais. C'est-à-dire, non pas faire redoubler, parce que moi, je pense que le redoublement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, revoir 2 fois la même chose, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est avancer par palier. Ouais. Il y a des enfants qui avancent très vite, il y en a qui avancent moins vite. Le résultat, c'est pas de les faire redoubler, c'est de permettre, par exemple, ces années charnières que sont notamment le CP ou que sont éventuellement même le CM2, qu'on puisse les faire en 2 ans. C'est-à-dire qu'on réévalue régulièrement l'enfant, y compris vers le printemps, et on voit où il en est par rapport au reste de la classe, parce qu'en réalité, ça va être un petit groupe, c'est un petit tiers de la classe qui va... Alors, dans certains établissements, non, évidemment, ça va être beaucoup plus, mais en règle générale, on va dire qu'on a un tiers des élèves qui vont devoir peut-être passer en 2 ans. C'est un fonctionnement qu'on avait il y a 5 ans. Alors, je voudrais juste terminer sur ce point. Il vaut mieux un élève qui entre en 6e avec ce qu'on appellerait, entre guillemets, pour moi, ça ne veut rien dire, 2 ans de retard, mais avec... 2 ans de plus, quoi. 2 ans de plus, voilà, mais qui puisse s'en sortir en 6e. Qu'un enfant qui va passer de classe en classe. Moi, j'ai accueilli des élèves en 6e qui n'avaient jamais redoublé. Ils étaient incapables de lire. Et c'était des gamins qui pensaient que l'école... Et vous ne pouvez rien pour eux. Et ça, je ne peux plus rien pour lui en 6e. En 6e, je ne peux que déplorer la situation et avoir vraiment, même, je dirais, j'avais vraiment une vraie souffrance pour ces gamins-là. Parce qu'il est évident ensuite que dès la 5e, 4e, c'est des enfants qui vont avoir des problèmes de comportement parce que c'est un ennui faramineux pour eux et c'est une marche bien trop haute à franchir. Donc, vous voyez, il y a des structures de fond qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui en primaire. Donc, le collège, le lycée, pour moi, ce n'est pas d'actualité. Et on a bien compris que la priorité, c'était le primaire. Julien. Non, j'avais juste une remarque sur votre proposition, enfin, sur le fait que des enfants puissent avoir jusqu'à 2 ans d'écart dans la même classe. Ça serait dans la même classe, alors. Parce que pour le coup, moi j'ai sauté une classe, donc je vois déjà avec un an d'écart, je trouve que dans les petites classes, il y a un décalage qui est important. Mais alors deux ans d'écart, pour moi c'est impossible de mettre des enfants de deux ans d'écart. Ça se faisait à une époque, parce que maintenant on est habitué à ce que chacun, tout le monde est là. Pendant longtemps, d'ailleurs, surtout dans les campagnes, les enfants étaient dans des classes. Non, mais d'accord, mais moi, CP, CM2, mais déjà les élèves qui ont un an de moins, souvent, il y a un décalage, surtout dans les petites classes. Alors s'il y a deux ans de moins... Un enfant de 2 ans de classe, plus, on rentre au collège là. Au collège là. Ouais, mais au collège, 2 ans d'écart entre un 4e et un 5e. Oui, mais vous avez d'abord vous aurez pas la moitié de la classe qui aura 2 ans de retard et l'autre moitié qui aura l'âge de classe si vous voulez. Mais vous aurez aussi la question, je crois pas tellement pour les élèves que ce soit une question d'âge ou de maturité, c'est vous avez des fois des gamins qui sont pas forcément matures, mais je pense que c'est très important que les gamins aient vraiment les élèves quand ils rentrent en 6e aient un niveau qui puissent leur permettre de renforcer leur estime de soi. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'idée de palier, je trouve que c'est une très bonne idée. Non, mais c'est juste avoir des élèves de 2 ans d'écart. Là, par contre, ça paraît un peu beaucoup. Alors, on va essayer d'évoquer d'autres. Pourquoi pas, mais il nous reste plus de 10 minutes. On va essayer d'évoquer d'autres éléments que Barbara Lefebvre évoque dans son livre. Raphaël, je vois que tu voulais réagir. Oui, j'avais une question par rapport aux enseignements en eux-mêmes. Quelle place accorder aujourd'hui ? On a compris que les matières nobles, donc la littérature en premier lieu, puis l'histoire, devaient avoir une place primordiale. Mais quelle place accorder aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à la fois dans la façon d'apprendre, mais également dans les apprentissages en eux-mêmes ? Par exemple, Najat Vallaud-Belkacem proposait des cours de codage au collège. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est utile ? Oui, la place du numérique. De toute façon, l'école n'a pas vocation à rester à l'écart du monde. Je crois par ailleurs que l'école n'a pas non plus vocation à le suivre. Ça ne doit pas être un sanctuaire. Oui, non. De toute façon, l'école n'est pas un sanctuaire. Vous écrivez dans votre livre que l'école était un refuge dans lequel on pouvait... L'école est un refuge dans lequel, pour certains enfants, c'est vraiment un refuge. C'est-à-dire, pour certains enfants, c'est un espace culturel d'une richesse incroyable et qu'ils n'ont pas dans leur milieu familial. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les priver de cette culture exigeante, c'est véritablement, d'une certaine façon, leur faire violence, parce que c'est les mépriser. Et d'ailleurs, eux le ressentent comme ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que disent souvent certains élèves, certains bons élèves de zone d'éducation prioritaire. Ils disent, d'une certaine façon, on a eu l'impression d'être méprisés parce qu'on considérait qu'on ne méritait pas, nous, qu'on nous emmène à l'opéra, qu'on nous emmène au théâtre, etc. Bon. Néanmoins, ce que vous disiez sur le numérique, l'informatique, etc., moi, je ne suis pas contre. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, pour moi, l'informatique, ou Internet, ou les réseaux sociaux, ce que vous voudrez, pour moi, ce sont des moyens. C'est pas une fin en soi. Donc, ce sont des moyens qu'on peut utiliser. Ils sont plus développables à la maison comme les générations de la nôtre. Oui, mais même à l'école, ils sont sensibilisés. J'ai commencé à Internet et l'ordinateur tout seul chez moi. Et voilà. Mais même assez à l'école. C'est assez dans le milieu familial, je pense. Oui, je pense que déjà l'informatique, c'est quand même souvent assez intuitif. Mais il y a des éléments. On en fait aussi. Voilà, donc la question. L'école doit éduquer à l'usage qu'on fait de cet outil. Donc ça, je suis d'accord avec vous, que l'école soit là pour travailler sur l'usage qu'on fait de l'outil, mais en même temps, il faut faire attention à ce que l'outil ne devienne pas lui-même un savoir. Et je ne crois absolument pas que l'informatique ce soit, ou le numérique, par exemple, ce soit l'alpha et l'oméga de la pédagogie de demain. Or, nous, en tant que prof, en tant que prof, vous ne savez pas comment on nous bassine les oreilles avec l'école du numérique. C'est-à-dire que nous, en tant que prof, si on n'utilise pas du numérique, qu'on ne fait pas des projets avec le numérique, etc., etc., on est des profs complètement débiles, J'étais dans un beau lycée privé de banlieue chic. En 6e, ils ont décidé de donner une tablette à tous les enfants de 6e. En général, ils savaient plutôt bien lire et écrire en arrivant, mais c'était assez étonnant de voir des élèves. C'était le grand projet de l'école numérique qui a été fait déjà. On a arrêté dicté, mais on donne des tablettes. Voilà, c'était déjà sous la droite. La gauche s'en est emparée parce qu'elle a trouvé ça tellement formidable, tellement. La solution à l'inégalité, etc. En réalité, on sait très bien que les gamins, en particulier dans les milieux populaires, sont déjà toute la journée sur leur tablette et leur smartphone, c'est-à-dire qu'il y a déjà une surconsommation, mais en particulier chez ces gamins-là. Les enfants délaissés. Non, mais pas seulement. Délaissés, je veux dire. Et donc, leur recoller encore la tête sur les écrans à l'école même, on sait très bien que, moi je pense que d'un point de vue sanitaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux que d'être dès le primaire, la tête sur les écrans. Décrypter les informations, ça me paraît très important, parce que pour le coup, aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes, ils ont accès sur Internet à des tas de fausses informations. Et ça, par contre, c'est la culture qui vous permet de décrypter. Vous savez que vous lisiez un livre complotiste, enfin un site complotiste, ou un truc cochon, mais sur Internet, c'est plus facile d'y accéder quand même. Non, mais tu peux tomber sur le SAS de ton père dans ta bibliothèque. On va s'orienter vers là. Non, mais ce qui compte, c'est la culture qui vous aide à décrypter le discours complotiste. C'est pas l'outil Internet. Madame Lefebvre dit qu'il faut effectivement. Internet a bon dos aujourd'hui. On l'accuse de tous les maux un peu de l'histoire. C'est-à-dire que dès qu'il y a des jeunes qui font des jeux à la con, qui s'alcoolisent ou qui se droguent ou qui regardent du porno en masse, c'est la faute d'Internet. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame Lefebvre. Pas dans le cliché, c'est le problème des parents. C'est les parents qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas éduqué leurs gamins. Sur Internet, il n'y a absolument aucun contrôle. On va pas se lancer dans un monde dans lequel il n'y a aucun contrôle. Tu fais ce que tu veux, c'est une société sans police, sans rien. Au début, ma mère était à côté de moi quand j'allais sur Internet. Je veux dire, t'es le seul enfant du 21e siècle à avoir ta maman à côté de toi. Bah non, elle s'occupait de moi. Vous aurez la soirée. Il y a juste une question. Moi, j'avais ma tata pendant toute mon enfance à côté de moi. Non, mais peut-être que t'aurais dû avoir plus ta mère à côté de toi. Il y a une dernière question. Toi, t'as eu la chance d'avoir tes parents qui t'aidaient, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont livrés de sur leur ordinateur sans aucun parent. Je vous trouve extrêmement indiscipliné. Attention, merci, parce que madame. Une dernière question que je voulais évoquer, dont on ne parle pas souvent assez par rapport à l'éducation et qui est à la une de l'actualité, puisqu'un rapport vient d'être rendu à Jean-Michel Blanquer à ce sujet, c'est la question de l'avenir de l'enseignement professionnel. Rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire pour revaloriser ces filières? Est-ce qu'il ne faut pas leur donner un rôle beaucoup plus central au sein absolument. De l'éducation? Là-dessus, il faudrait prendre exemple notamment sur l'Allemagne, qui depuis des décennies, si ce n'est pas même un siècle, a toujours mis l'enseignement professionnel et les métiers techniques comme des métiers de prestige. Donc bien entendu, mais aujourd'hui, moi je suis enseignante, j'ai dû orienter un grand nombre de mes élèves de 3e qui n'étaient pas capables, vraiment pas capables de pouvoir suivre au lycée général. On les envoyait dans certaines filières, mais c'était vraiment par défaut. Ils n'étaient absolument pas intéressés par cet enseignement. Et le résultat, demander à certains de nos collègues dans certaines filières de lycée professionnel, c'est absolument insupportable. Parce que ces élèves, ils n'ont pas du tout envie d'être là où ils sont, parce que ces métiers-là ne sont pas du tout valorisés. Or, on sait très bien qu'il y a un grand besoin sur le marché de l'emploi d'un certain nombre de métiers techniques et ou de métiers manuels, et qu'on ne forme absolument pas les élèves, alors qu'il y a une attractivité du marché de l'emploi. Et c'est quand même absolument lamentable. Il y a quelque chose d'absolument important à faire là-dessus. Mais vous voyez d'ailleurs que le discours du ministre ou le discours de M. Macron sur ces sujets, c'est pas du tout des sujets qui leur semblent importants. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un secrétaire d'État dédié à l'enseignement professionnel. Le dernier, c'était Jean-Luc Mélenchon. C'était il y a plus de 10 ans, au début des années 2000. Exactement. Merci à tous pour ce débat. On a une auditrice qui nous dit: pourquoi ne pas faire allusion à Camus, qui vient d'un milieu défavorisé, grâce à son maître de primaire, a fini prix Nobel de littérature. Ou à Charles Péguy aussi. À Charles Péguy également. Et justement, par rapport à... Je voulais conclure le débat comme ça avec la... J'avais préparé justement, repris la lettre qu'a écrit Camus à son instituteur juste après avoir remporté le prix Nobel. Et il lui dit notamment, et c'est assez beau pour être souligné, mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. À méditer sûrement, et pour terminer sur une note plutôt positive, ce débat. Et je vous propose de terminer l'émission par les tops et les flops. Oui, mais alors... On peut le faire sans jingle. Ah. Et maintenant, les tops et les flops. Un top et ou un flop de l'actualité, quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu dans l'actualité récente. Ce qui est bien, c'est que vous avez le droit à absolument tous les sujets, tous les thèmes. Et ben, souvent, on commence par celui qui est à la régie, puisque ce n'est pas Arthur ce soir, c'est Samuel. Un grand top pour l'équipe française aux Jeux Olympiques, qui s'en sort plutôt bien dans les différentes disciplines et qui nous ont rapporté quelques médailles. Et mon flop va à Laurent Wauquiez, qui enchaîne en ce moment, c'est un feu d'artifice. Ah, mon flop, t'en es pas éloigné, mais c'est pas exactement la même chose. Robin. Bah alors moi, mon top est cinématographique. J'ai pu voir hier le film Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, qui est un bon film, un beau film, pas un chef-d'œuvre, mais un beau film. À voir, je vous le conseille si vous avez du temps à prendre pour regarder un film, surtout, c'est le plus important, je pense. Et le flop ? Et mon flop, c'est tout simplement. C'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de flop. Je l'ai sur le bout de la langue, attends, c'était. On reviendra avec toi, Raphaël. Alors, mon flop, c'est la proposition de Trump d'armer les enseignants pour se défendre. Voilà, c'est ça. Et mon top, c'est pour un livre que j'ai lu très récemment, Le Monde d'hier de Stefan Zweig, que je trouve magnifique. Parce qu'il a fait un témoignage historique et littéraire. Voilà, merci, Raphaël. Julien ? Ah, mon top, c'est pour cette émission formidable. La récupération, quand la on a récupération, pas de retour, après un an d'absence, ça m'avait beaucoup manqué, donc je suis content de retrouver ce studio. Et puis mon flop, c'est que ça s'arrête si vite et que voilà, on serait obligé de repartir à Reims. Belle pirouette. Barbara Lefebvre, un top, un flop. Alors, un top, la nomination il y a quelques temps de Souad Ayada au Conseil supérieur des programmes. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous enseignants. Et puis mon flop, c'est le soutien que Christiane Taubira a jugé utile d'accorder à Menel. Et en lui la félicitant pour son passage de sa réinterprétation en arabe de Leonard Cohen, sauf qu'elle n'a pas bien lu la traduction de ce que Menel a chanté. Et je pense que c'est très important parce que Menel, elle a chanté un passage d'un chanteur koweïtien qui en réalité n'est rien d'autre qu'un chant religieux. Et donc ça aurait été intéressant qu'on nous explique que la deuxième strophe de la sublime chanson de Leonard Cohen, qui a des petits sous-entendus érotiques, a été en réalité changé en chant religieux islamiste. Donc voilà, je trouve juste qu'il faudrait juste que Madame Taubira, avant de faire des posts grandiloquents, se renseigne sur les traductions des chanteuses à voix et à foulard. Ah bah, je vais faire un peu d'auto-promo. Je vous invite dans les prochains jours, chers auditeurs, à regarder mon interview de Christiane Taubira pour l'Alter Ego, ce média jeune. Voilà, on en est tous là. Et peut-être vous aurez des réponses à toutes ces questions, je ne vous en dis pas plus. Ça sera publié dans les prochains jours sur alterego.fr. Sinon, mon top et mon flop. Mon flop, alors ce n'est pas vraiment pour Laurent Wauquiez lui-même, mais c'est pour la séquence médiatique qui est autour de Laurent Wauquiez, qui a empêché finalement tout débat de fond dans les médias ces derniers jours. On a débattu pendant des heures de savoir si Laurent Wauquiez avait fait exprès, s'il n'avait pas fait exprès, si Valérie Pécresse était sympa ou si Valérie Pécresse n'était pas sympa. Franchement, je ne crois pas que ce soit les thèmes les plus fondamentaux. Et puis mon top, c'est pour des documentaires que je me suis mis à regarder, les documentaires de Pierre Karl. Alors c'est une pensée très particulière et c'est des choses assez orientées, notamment dans la critique du libéralisme, mais il a une façon de faire les reportages, une forme de liberté de ton, notamment sur le monde du travail ou aussi sur les médias. Et lors de d'extrême gauche, oui, t'as facilement la liberté de ton. Ouais, oui, là, c'est vrai qu'il est. Oui, il est assez gauche, mais il a une forme quand même de. Il a le droit d'être. Déjà, il a le droit d'être d'extrême gauche. Non, mais bien sûr. Je n'ai pas dit ça. Et puis il est très. Et puis ces documentaires sont particulièrement intéressants. Voilà, je vous les conseille. Et votre flop alors, on ne sait toujours pas. Vraiment, mon flop, c'est ta vaine tentative d'essayer de nous couper la parole tout à l'heure, qu'on aurait mieux fait, plutôt que lancer un débat qui aurait été très intéressant à développer, fait nous laisser finir. Écoute, ce sera l'objet d'une prochaine émission dans ce cas. Merci à tous. Un tesson de bouteille aussi. Merci à tous de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci à vous, Barbara Lefebvre, d'avoir été notre invitée. Et à très vite sur les ondes de Web7 Radio. C'était Apprendre ou à débattre tous les vendredis 19-20h.